La Bible David Martin 1855. Apocalypse, ou Révélation de Saint Jean. Apocalypse chapitre 1. La révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour découvrir à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt, et qui les a fait connaître en les envoyant par son ange à Jean, son serviteur, qui a annoncé la parole de Dieu, et le témoignage de Jésus-Christ, et toutes les choses qu'il a vues. Bienheureux est celui qui lit, et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui est à venir, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. À lui, dis-je, qui nous a aimés, et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et nous a fait rois et sacrificateurs à Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la force, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux même qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront devant lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était, et qui est à venir, le Tout-Puissant. Moi, Jean, qui suis aussi votre frère, et qui participe à l'affliction, au règne et à la patience de Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, pour la parole de Dieu, et pour le témoignage de Jésus-Christ. Or je fus ravi en esprit un jour de dimanche, et j'entendis derrière moi une grande voix, comme est le son d'une trompette, qui disait, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois, et envoie-le aux sept églises qui sont en Asie, savoir à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. Alors je me tournai pour voir celui dont la voix m'avait parlé, et m'étant tourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers d'or, un personnage semblable à un homme, vêtu d'une longue robe, et ceint d'une ceinture d'or à l'endroit des mamelles. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche et comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain très luisant, comme s'ils eussent été embrasés dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des gros seaux. Et il avait en sa main droite sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était semblable au soleil quand il luit en sa force. Et lorsque je l'eus vu, je tombai à ses pieds comme mort, et il mit sa main droite sur moi, en me disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et je vis, mais j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Amen. Et je tiens les clés de l'enfer et de la mort. Écris les choses que tu as vues, celles qui sont présentement, et celles qui doivent arriver ensuite. Le mystère des sept étoiles que tu as vues en ma main droite, et les sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers que tu as vus, sont les sept églises.